elle était appuyée le front contre le jukebox. Tout au fond de la salle de ce café de gare, je venais de la rue, de la pluie et du brouillard. Je buvais quelque chose de chaud sur le comptoir. Elle a mis une pièce de 1 franc dans le jukebox. Et malgré tout le bruit, j'ai reconnu ma voix. J'attendais de lui sourire, mais à quelques pas. Devant la musique, elle pleurait tout bas. Pourquoi pleurer? Le chagrin s'efface. Pourquoi pleurer sur un succès d'été? Tu trouveras quelqu'un d'autre pour t'aimer. Elle était appuyée le front contre le jukebox. Je baissais la tête pour ne plus la voir. J'attendais la fin du disque au bout du comptoir. En tournant ma cuillère dans mon café noir. Mais déjà elle glissait une pièce dans le jukebox. Je me sentais coupable et désespéré. Si j'avais su seulement qu'une fille pourrait pleurer, oui, cette chanson, je ne l'aurais jamais chantée. Pourquoi pleurer sur un succès d'été? Les mois passent, le chagrin s'efface.